j'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. C'est le 23e jour de ce nouveau confinement, et si tu ne sais pas quoi regarder aujourd'hui, ça tombe bien car je te conseille La famille Bélier d'Éric Lartigot. Peut-être pas le vrai de vrai, la chevelure de Broadway. Vous avez un don. Ça vous dirait d'aller apprendre le chant à Paris? C'est l'école qui est à Paris. Comment s'organiser? La ferme, le marché? Faut réfléchir à une autre solution. Je sais ce que ça représente. Putain, t'es ma meilleure amie et t'as un don. J'arrête. Pourquoi ça? Je fais ce que je veux, non, c'est ma vie. Vous êtes sûr que c'est votre vie? La famille Bélier, c'est une comédie qui est sortie en 2014 et bordel, j'ai l'impression d'avoir 156 ans en disant ça. Ça fait très longtemps quand même, ça fait longtemps. Et ça raconte l'histoire d'une famille, les Béliers, hein, comme c'est dit dans le titre, qui sont sourds. Voilà, c'est une famille de sourds à l'exception de la fille aînée Paula qui elle est entendante. Voilà. Et donc ça va créer une sorte de, pas complexe, mais de situation paradoxale, puisque Paula va participer à la chorale de son lycée, et elle va découvrir qu'elle a vraiment du talent, et qu'elle a un talent fou, et qu'elle a une voix magnifique, et du coup son prof va vouloir la faire passer un concours à Paris pour qu'elle apprenne le chant et qu'elle devienne chanteuse, quoi. Donc c'est un peu paradoxal vis-à-vis de sa famille qui est sourde. Alors j'ai proposé des films plutôt pas faciles à regarder, voilà, c'était pas léger, que ce soit Hugo Story, que ce soit Midsommar, voilà, ces deux derniers jours. Donc je me suis dit, pour aujourd'hui, on va essayer de prendre un truc simple, un truc qui se regarde facilement. Et voilà, La Famille Bélier, c'est exactement ça. C'est une comédie, c'est assez feel good, c'est très léger, même s'il y a quand même beaucoup d'émotions dedans, je trouve. Je pense notamment à la scène, à la scène où elle passe le concours de Radio France, où elle se met à chanter Je vole de Michel Sardou. Donc les paroles sont très identifiables à sa situation, et ses parents sont dans la salle, et elle se met à faire la langue des signes pour qu'ils comprennent, parce qu'évidemment ils sont sourds. Alors on réouvre le carton des films devant lesquels j'ai pleuré, on prend La famille Bélier, on le pose dedans, et voilà, on peut le refermer tranquillement. Il va revenir souvent ce carton, je vous préviens, il va revenir très très souvent. mais du coup voilà, il y aura quand même plein de sous-intrigues. Il n'y aura pas que l'intrigue du chant, puisque c'est un film qui parle aussi de qu'est-ce que c'est de devenir une femme. Puisque Paula, pendant le film, elle est en pleine adolescence, et donc elle va découvrir que ce soit les relations amoureuses, que ce soit les règles, que ce soit tout ça. Ça traite aussi de ça. Ça traite aussi de l'émancipation, mine de rien, parce qu'elle est vraiment tout le temps avec sa famille, en fait, parce que c'est quand même une interprète. C'est le lien de communication entre sa famille et le monde extérieur, parce que c'est la seule qui peut entendre. Et sa famille a vraiment besoin d'elle, et du coup elle est vraiment tout le temps avec eux, tout le temps en train de les aider, que ce soit dans le travail, que ce soit dans leur rendez-vous, voilà. Et du coup c'est vrai que ça va poser une certaine réflexion sur est-ce qu'il faut penser aux autres ou à soi-même, et je vous cache pas que c'est un sujet qui me touche beaucoup, parce que c'est quelque chose que j'ai énormément le mal à faire, penser à moi, et donc je me suis vraiment reconnu dans ce personnage, même si évidemment sur ce point là je me suis pas reconnu dans tous les points, évidemment. Premièrement, je suis un homme, deuxièmement, je chante comme une merde, voilà, j'adore ça, mais je chante comme une merde, mais sur ce point là je me suis vraiment reconnu, parce que c'est vraiment quelque chose qui, voilà, où je pensais à moi, j'y arrive pas, et du coup voir cette fille qui était tout le temps là, en fait, qui était tout le temps là pour s'occuper de sa famille, qui pensait tout le temps aux autres, et qui d'un coup a une occasion de faire quelque chose qu'elle aime, et tout simplement de penser un peu à elle, de partir dans une autre ville, de vivre sa vie, et qui se retrouve confrontée face à ce dilemme. Ça m'a énormément touché comme situation. C'est franchement un très très très beau film, que ce soit dans le propos ou à l'écran, visuellement, c'est très très beau. Seul bémol, c'est qu'il y a quand même eu des polémiques autour de la communauté sourde. Enfin, c'était certes honorable de représenter cette communauté, voilà, qui qui est une minorité qu'on voit pas souvent au cinéma. Mais il y a eu une polémique. Pour moi, ça, c'est pas ce qu'il y a de plus grave entre guillemets, mais où il disait bah quitte à faire un film sur les sourds, prenez des acteurs sourds, voilà, parce que la plupart des acteurs ne sont pas sourds. Du coup, ça a fait polémique. Je vois pas tellement pourquoi. Oui, ça aurait été mieux, mais je trouve pas ça ultra gênant. Par contre, ce qui est plus, c'est que la langue des signes, bah, c'est pas tout le temps vrai, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quand même des sourds qui ont dû lire des sous-titres parce qu'ils comprenaient pas la langue des signes qui était parlée dans le film. Donc c'est bien de rappeler que c'est une vraie langue et que voilà, et que c'est important. Par contre, ça aurait été cool de la respecter. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc voilà, c'est ce que je trouve dommage dans le film. Après, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un film qui m'a beaucoup touché. Il y a vraiment une BO magnifique. Vraiment, c'est centré essentiellement autour de Michel Sardou. Personnellement, je connaissais pas en voyant le film Michel Sardou. C'est pas quelqu'un que j'écoute vraiment, mais j'ai trouvé au niveau des paroles et tout, enfin, de découvrir ses musiques, ça m'a pas déplu. Je trouvais ça très beau. Et niveau acting, j'ai rien à dire. Franchement, on a vraiment un excellent casting en fait. Y a rien à dire. Surtout la famille qui bah a quand même François Damiens en père, Karine Viard en mère, Louane la chanteuse en Paula, qui a d'ailleurs reçu le César du meilleur espoir féminin pour ce rôle. Et puis on a un petit nouveau qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, c'est Lucas Gelberg. Je ne sais pas si je le dis bien, je m'excuse si ce n'est pas le cas. Si je dis pas de conneries, j'ai un gros doute, mais il me semble que peut-être lui est sourd. C'était bien le seul où il y avait où j'ai un doute, le seul où il est potentiellement sourd, mais je ne suis pas sûr. Donc à prendre vraiment avec des pincettes. Et on retrouve également Eric Elmostino qui bah, vous le connaissez sûrement pour son rôle dans le biopic de Serge Gainsbourg, voilà, où il joue Serge Gainsbourg, et qui a une très belle voix, voilà, c'est pour ça qu'il a joué Serge Gainsbourg d'ailleurs. Enfin non, pas que pour ça, évidemment que c'est un très bon acteur, mais il a la voix en plus, et du coup ça colle parfaitement dans le film. Voilà. Je vais essayer de pas trop en dire sur ce film, franchement, essayez juste de lui laisser une chance, voilà, de vous laisser bercer par cette proposition. Ça parle de choses à la fois très simples et très naïves, et en même temps de sujets un peu plus sérieux. Et c'est un film qui fait énormément de bien. C'est un film qui fait beaucoup de bien. Vous allez peut-être pleurer, parce que oui, il y a matière à pleurer, mais ça fait quand même du bien de voir un film comme ça. C'est vraiment très feel good. Et la musique est franchement cool. Et voilà, j'ai un grand faible pour les films musicaux. J'adore ça. Bah, mes deux films préférés, c'est Rocketman et La La Land. Donc bon, voilà, ça prouve bien que j'ai un faible pour ça. Mais franchement, je trouve la BO sublime. Bon, c'est vrai que c'est un peu embêtant, même très embêtant, le souci avec la langue des signes. Mais franchement, ça reste un très beau film. Bon, après, au niveau de la réalisation, on n'est pas non plus voilà, sur un truc ultra révolutionnaire. Mais franchement, c'est pas gênant parce qu'on se laisse énormément embarquer dans le film. Et c'est formidable, voilà. Donc je vous invite très fortement à laisser une chance à ce film si vous l'avez pas déjà vu. Je sais que ça a pas mal marché, mais je sais pas, j'avais envie de conseiller ce film. C'est celui qui m'est venu quand je me suis dit, oh, on va parler d'un truc plus léger. Donc voilà. Le film est disponible à la location sur Google Play, Orange VOD, YouTube, Filmo TV, Canal VOD et Rakuten TV. Et il est également disponible à l'achat sur Google Play, YouTube, Orange VOD, Microsoft, Canal VOD, Filmo TV et Rakuten TV. Voilà, j'espère t'avoir convaincu de regarder La Famille Bélier, et si ce n'est pas le cas, on se retrouve demain pour une nouvelle recommandation. Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool, je vole, je vole. Elle m'observait hier, soucieuse, troublée, ma mère, comme si elle le sentait. En fait, elle se doutait, entendait. J'ai dit que j'étais bien, tout à fait l'air serein. Elle a fait comme de rien, et mon père démuni a souri. Ne pas se retrouver.